Salut les Clubules, Apéro Tax, c'est votre émission Otaku, deux jeudis par mois à 19h30. Actu, chronique, invité, enivrez-vous de l'actu Otaku à l'Apéro Tax. Bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro de Animer nos mélodies. Dans ce nouveau numéro, le retour de Sailor Moon dans Sailor Stars, Yatari Ryoko, une vie nouvelle, et pour terminer, le premier film Ghibli, Laputa, le château dans le ciel. Yeah. C'était l'opening Sailor Star Song, chanté par Kae Hanazawa et écrit par Naoko Takeshi, la mangaka créatrice de la franchise Sailor Moon. Et oui, chers amis amoureux des soundtracks d'anime, cela fait un petit peu plus d'un an que j'aurais dû vous proposer cet album. Mais, comment dire, j'ai un petit peu oublié. Enfin, donc voici le dernier album de Sailor Moon, titré Sailor Moon Stars, ou Sailor Moon Sailor Stars. C'est la première fois que pour seulement 26 épisodes, Takanori Arisawa, le compositeur de la franchise, se permet de faire deux albums pour la dernière série. Il ne s'agit pas du meilleur travail du compositeur, mais certainement le mieux maîtrisé. Ainsi, certains thèmes très puissants se démarquent et peuvent devenir des classiques. Il est seulement dommage que finalement les musiques de Sailor Stars ne soient pas plus connues, puisque cette dernière saison n'a jamais pu être diffusée à l'époque du Club Dorothée, qui s'était arrêté avant sa diffusion en France. Il aura fallu attendre la sortie DVD chez Kazé de la série, avec une nouvelle version française, pour qu'une majorité du grand public connaisse non seulement enfin la fin de la série, mais aussi éprouver une certaine émotion en écoutant les belles musiques de la cinquième saison de la série. Il est enfin temps de vous la faire découvrir, ce petit bijou. Et on se retrouve à la fin, après le ending, Moonlight is a Message of Love, chanté par Alessa Mizuki. Thank you. Venez d'écouter le premier opening theme, Hyatari Ryoko, chanté par Aki Asakura. Il est à noter qu'un deuxième opening existe pour la deuxième partie de la série. Il se nomme Kaete Kita Machikado. Béatrice, Kazumi en VO, est une jeune fille qui emménage chez sa tante afin de se rapprocher de son lycée. Elle se retrouve alors avec quatre autres pensionnaires étudiants. Le gentil et timide Rodrigue, Yusaku, Hubert, Shin, le beau gosse sportif mais un poil obsédé, l'imposant Maurice, Takashi, à la gourmandise incurable, et Hervé, Makoto, l'élève studieux par excellence qui semble toujours apparaître quand il ne faut pas. Tout ce petit monde va alors s'entendre très très bien, chacun aidant les autres dans leur petit tracas quotidien. Rodrigue va cependant tomber rapidement amoureux de Béatrice, d'autant plus qu'il joue au baseball et que la jeune fille s'est inscrite en tant que manager dans le club. Mais celle-ci a déjà un fiancé, Stéphane Katsuhiko, parti aux États-Unis. Merci à Planète Jeunesse pour ce résumé. J'ajouterai aussi que l'intrigue ne semble pas aussi caricaturale que pourrait donner l'impression de ce résumé en fait. En effet, le caractère de Rodrigue, étant de toujours aider son prochain, l'empêche de se déclarer à Béatrice, car même s'il est très amoureux, il apprécie Stéphane et ne veut pas blesser ceux qu'il aime. D'où ce conflit qui durera 48 épisodes. avec le sourire l'avenir. C'était Claude Lombard qui, encore une fois, prête sa belle voix à ce magnifique générique. Cette série de 1987 fut diffusée à la suite et en fin de succès de Théo ou la Batte de la Victoire, Touch au Japon. D'ailleurs, ce fut le contraire en France. En effet, la série fut diffusée avant Théo, en 1990, et Théo, en 1991, alors que le doublage avait été produit en 1989. On s'y perd un peu, non ? À la musique, nous retrouvons à nouveau le compositeur de Touch, Hiroaki Sarizawa, qui ne sort pas du cadre et nous permet de retrouver son univers musical à la fois romantique et sirupeux, tel un Richard Clayderman des ascenseurs. Mais on aime ça, non ? Vous pourrez écouter à la toute fin le deuxième ending, chanté par Hiroaki Sarizawa, Knife no Ue no Natsu. Thank you. たくさんの日々 D'écouter Kimi wo no sete en te portant, en français, par Azumi Inoue. Retenue prisonnière à bord d'un engin volant appartenant à un pays militaire, Shiita est une petite fille porteuse d'un médaillon au pouvoir qui semble attirer bien des convoitises. Cependant, elle réussit à s'échapper en se jetant dans le vide, et sauvée par le médaillon, elle atterrit dans les bras de Pazu. Par la suite, les deux enfants, devenus inséparables, se retrouvent coursés par une bande d'affreux et de leur chef, la Mama Dora, qui n'est pas une exploratrice, mais une pirate de l'air. Et encore, derrière, les hommes de main de Mushka, à la solde des militaires. Mushka d'ailleurs joue les gentlemen machiavéliques et semble lui-même cacher un secret. Les deux enfants vont alors faire un voyage initiatique jusqu'au château dans le ciel, Laputa, berceau de l'étrange médaillon de Shiita. Ce magnifique film est le premier du studio Ghibli de Hayao Miyazaki et réalisé en 1986. Il est d'ailleurs à noter que le producteur de ce film est Isao Takahata. Encore une fois, Joe Hisaishi met la barre haute pour les productions de l'époque. Les magnifiques thèmes du film sont et resteront à jamais dans la tête de ceux qui voudront bien se pencher sur ce long métrage d'animation, qui se rapproche du premier travail en tant que réalisateur et scénariste de Miyazaki sur Conan, le fils du futur, en 1978. Même type de personnage, même charisme, on a envie d'être ami avec eux. Et Joe Hisaishi donne un souffle épique à ce film d'aventure. On peut regretter les thèmes électroniques qui parsèment le film, mais il faut savoir deux choses. Premièrement, la production de ce film fut difficile, et les moyens n'ont pas permis à Joe Hisaishi de proposer plus de thèmes orchestrales. Deuxièmement, à l'époque de la sortie du film aux États-Unis, Disney proposa, ou je dirais plutôt imposa, que Joe Hisaishi refasse la musique avec les moyens américains et gommer ses musiques électroniques. Un mal pour un bien au vu de la qualité de l'album qui en a suivi. Petite anecdote rigolote, à chaque diffusion du film, à la télévision japonaise, le Twitter japonais s'emballe car des milliers et des milliers d'internautes lancent des BALS, le fameux mot enclenchant le pouvoir de destruction de la Piuta. On écoute ensemble ces magnifiques musiques. We'll be right back.

Animé nos mélodies, c'est terminé pour cette fois-ci. Je remercie mes amis Ryudoka, Yann Kouza, Emma et Gigi de Radio Anime pour leur amitié et leur folie en convention. Yannick Rowe, que je ne remercie pas assez souvent pour ses thèmes pour l'émission. Et notre nouveau partenaire Chris Yukigami et son podcast The Synth Squad. D'ailleurs, vous retrouverez Chris Yukigami dans un prochain Zone 80 avec nous. Je vous propose pour cette fin d'émission l'opening de Sonic Soldier Borgman, Don't Look Back, chanté par le groupe Heartshaker. On se retrouve le mois prochain avec une nouvelle émission, et en attendant, n'oubliez pas que la musique d'anime, ce n'est pas que pour les Japonais. Thank you. vie